Bonjour. Là, il y a 3 dimanches, j'étais là, 3 dimanches, oui, environ 3 dimanches, où j'ai fait un partage sur le livre de Job. Et donc, ça parlait de Job, hein, déjà. Ça parlait de la souffrance du juste, ça parlait de notre réaction vis-à-vis de la souffrance, ça parlait de comment on le vit, qu'est-ce que la souffrance nous cause, qu'est-ce que la souffrance change dans notre vie. Et donc, il y a 3 dimanches, c'était un peu rapide, il faisait très chaud, on a pris juste 30 minutes, donc je n'ai pas pu terminer ce partage-là. Et donc, Jacques m'a demandé de revenir pour pouvoir terminer ce partage. Et donc, c'était sur la souffrance que j'allais parler. Mais entre-temps, ça fait depuis il y a 2 semaines, j'avais vraiment à cœur de partager autre chose avec vous. Donc, pour l'instant, je mets ça un peu de côté et une prochaine fois, s'il y a prochaine fois. Ici, là, on ne m'a pas chassé. Je reviendrai sur le partage sur le livre de Job. Et donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est pas une exégèse, c'est pas une étude d'un livre à proprement dit, c'est pas une étude d'un personnage biblique à proprement dit. C'est simplement des questions que j'aimerais qu'on se pose ensemble. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est faire un trait d'union entre ce qui a été dit jusqu'à présent. Pendant les vacances, on a beaucoup parlé de notre identité, que ce soit Jacques ou que ce soit Glenn, ont beaucoup parlé de notre identité en tant qu'Église. Récemment, le dernier dimanche, Glenn a partagé sur le psaume 85, et Glenn disait que nous sommes l'Église du psaume 85, donc l'Église qui est une Église qui est amenée à faire marcher ensemble l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la vérité de Dieu et la justice de Dieu. Il nous a montré que ce n'est pas toujours facile de concilier ces 4 choses-là, mais c'est à ça que nous sommes appelés. Jacques a partagé pendant plusieurs périodes que nous sommes l'Église sur Ontario, nous sommes appelés, donc on a partagé sur la mission de l'Église, ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Jusqu'à présent, ce qui a été partagé, c'est surtout ce que nous devons faire vis-à-vis des autres. Vis-à-vis, on a parlé beaucoup de l'accueil, comment accueillir les autres. Notre mission au sein de notre communauté ici, au sein du quartier, au sein de la ville et dans le monde. En septembre, au mois de septembre, donc dans quelques jours, nous allons commencer une nouvelle série. C'est Glenn qui va commencer. Je pense que ce sera, si j'ai bien compris, en alternance entre Glenn et Jacques, ce sera sur les béatitudes. Donc, c'est Matthieu. Sermon sur la montagne. Jean va faire les béatitudes, puis Glenn va faire le sermon sur la montagne. Ok, d'accord. Merci pour la précision. Et donc, voilà. Donc, ça, nous allons maintenant entrer vraiment dans l'enseignement des disciples entre guillemets, voilà. Et donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est faire une transition entre les deux. Une transition entre ce que nous, on est en tant qu'Église, notre définition en tant qu'Église, et ce vers quoi nous allons. Donc, la vie de disciple dont on va parler en septembre, octobre, et dans les mois qui suivent. C'est pourquoi j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques minutes pour se poser quelques questions qu'on se pose peut-être pas toujours en tant qu'Église et en tant qu'individu. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Luc. Luc au chapitre 1. Le livre de Luc au chapitre 1, le verset 67. C'est le psaume de Zacharie, le cantique de Zacharie. Ça, c'est quand Jésus est présenté. Donc, livre de Luc, chapitre 1, le verset 67. Je commence à lire. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, donc sur Jean-Baptiste. C'est le père de Jean-Baptiste. Donc il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, voilà le début de la prophétie, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je m'arrête là. C'est ce passage-là qui va un peu nous emmener dans le partage que nous allons faire. Il va pas être très long. J'aime bien les partages courts. Parce qu'on sait là, on ne retient pas grand-chose. Là, ici, il est dit que Zacharie prophétise. Et dans ce que Zacharie dit, il dit que Dieu a fait un serment. Il a promis de nous libérer pour que nous puissions marcher devant lui dans la paix et dans la justice. Ici, il parle du peuple d'Israël. Mais dans la prophétie, il parle aussi de ce que l'Église deviendrait. Des gens délivrés, délivrés du péché, délivrés de la mort, et qui marchent dans une sainteté et une nouveauté de vie. Ça m'a juste amené à nous poser quelques... Oui, portable. À nous poser quelques questions. La première question que je me suis posée, je me suis posée en tant qu'individu, mais j'aimerais qu'on se la pose en tant qu'Église. On a pensé, on a réfléchi sur notre identité. Il y a certaines questions que j'aimerais juste qu'on se pose avant de commencer la nouvelle année, enfin avant de rentrer en septembre, dans une nouvelle ronde d'enseignement. La première question que j'aimerais qu'on se pose, c'est la question « Sommes-nous libres ?» Cette question-là, on peut répondre « Oui, Jésus nous a libérés, oui, de la mort, du péché, de la culpabilité, il nous a libérés de ces choses-là. » C'est vrai. Nous sommes dans ce cadre-là libres, mais ce n'est pas dans cette optique que je pose cette question-là. Pour mieux expliquer ma question, je vais vous parler de la France. En France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses il y a plusieurs choses qui sont condamnées par la loi, éventuellement, évidemment. Mais il y a deux choses qu'aucun homme politique, aucun individu n'a le droit de dire publiquement. C'est un pays de liberté, d'expression. On peut dire ce qu'on veut. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'est interdit. Quelqu'un peut dire qu'il n'aime pas les homosexuels. On dira, oui, c'est un homophobe, etc. Mais ça n'ira pas plus loin. Bon, ça ferait un peu de bruit, mais pas plus loin. Il y a deux tabous ultimes en France qu'on ne peut pas briser. On peut parler de tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire son point de vue, mais il y a deux choses qu'on ne peut pas dire. Premièrement, que la Shoah n'a pas existé. Que la Shoah n'a pas existé. D'accord ? La Shoah, c'est l'Holocauste. C'est le fait que les Juifs aient été... Et d'autres, enfin, au passage, il n'y a pas que les Juifs quand même qui ont été amenés au four dans les camps de concentration. Dedans aussi, il y avait quand même des témoins de Jéhovah, il y avait des homosexuels, il y avait des Noirs, il y avait quand même certaines... Mais la majorité, c'est vrai que c'était des Juifs. En France, il est interdit de dire que la Shoah n'a pas existé. Il est interdit de dire que les fours crématoires n'ont pas existé. Ça s'appelle le négationnisme. Et le négationnisme est puni par la loi. Il y a deux ou trois personnes... Ah oui, demandez à Le Pen, demandez à Zemmour, qui était un chroniqueur. Beaucoup de... Bon, Zemmour n'a pas parlé de ça, mais Le Pen, oui. Ces gens ont été condamnés par la justice, ok? Mon point n'est pas que s'ils avaient raison ou ils avaient tort, c'est pas ça, c'est pas de ça dont je veux parler. La deuxième chose qui est punie aussi, c'est l'antisémitisme. Ça, on n'accepte pas ça en France. Quelqu'un peut donner une blague contre les Noirs, on peut dire qu'on peut appeler les Noirs des nègres, on peut appeler les Noirs des bougnoules ou des macaques, ou des boucaques, comme le nouveau terme à la mode dans les milieux d'extrême droite. Le bougnoul, c'est l'arabe, et le macaque, c'est le noir. Donc le boucaque, c'est un montre, bougnoul est... Enfin bref, il y a des petites joyeusetés comme ça. On peut parler contre les Noirs. C'est pas bien, mais on va pas nous traîner en justice pour ça. Mais si on a un terme, on a des discours anti-juifs, antisémites, tout de suite, on nous tombe dessus. Un jour, il y a un jeune qui s'est fait tabasser dans la rue. Il s'est fait battre. Alors, selon le journal, selon les journaux, c'est parce qu'il était juif. Et donc, il y a eu une réaction, la classe politique est descendue dans la rue, le président même a joint sa voix à la conseil de protestation. Il y a eu des marches, et il y a des gens qui ont marché. Donc, les politiciens, des ministres de tous bords, des gens de droite, des gens de gauche, tout le monde, des ministres. Alors, on s'est tous réunis pour dire, ils sont tous dire non, non, non, non, non, l'antisémitisme, non, non, non, non, non, non, non, non, non, et on a fait des marches, ok? Au passage, c'est très bien. Je ne suis pas contre ça. C'est très, très bien. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que le jour où on tabasse un arabe, qu'on fasse la même chose. Le jour où on tabasse un noir, qu'on fasse la même chose. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, pas pour un juif, on va le faire et pas pour un noir. Pas pour un noir, pas pour un arabe, pas pour un homosexuel. Ou pas pour des communautés ou des minorités qui sont persécutées. Pas pour un témoin de Jéhovah, je ne sais pas quoi. Le fait est que j'ai des amis juifs. Moi, après tout, mon Seigneur à moi, il était juif. Et mes frères Pierre, Paul, Jacques, qui sont maintenant avec lui dans la gloire, et ils étaient aussi juifs. Donc je n'ai aucune raison, nous n'avons en tant qu'Église aucune raison de ne pas aimer les juifs. Mais le point où je veux en venir, c'est que c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gens qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne peut pas toucher, et les autres qu'on peut, on ferme les yeux. En France, il y a un racisme qui est quand même latent. Beaucoup de ceux qui sont là-bas, qui sont noirs ou arabes, qui ont été en France, on l'a tous vécu. On appelle pour un logement, on nous dit que le logement est libre, on se présente, dès qu'on se présente, on nous regarde de haut en bas, on te dit que non, le logement a été pris. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Ceux qui ont vécu en France savent de quoi je parle. Moi-même, pour le logement, pour le boulot, il y a des fois, on m'a envoyé un télégramme. Une fois, j'ai reçu un télégramme en me disant, monsieur Yankori, monsieur Ima, Il y a un poste qui se libère, c'est urgent, venez, on m'envoie un télégramme pour être sûr que je le reçoive. Je le reçois, moi je cours à Paris, je m'habille bien. Quand on me voit, on me dit, oui monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ben, c'est le télégramme, c'est pour le machin, le poste, le boulot, tout ça. On me dit, ah ben non, mais le client a changé d'avis, finalement, non, il ne veut plus. Donc c'est un petit, voilà. Mais moi, ce qui m'interpellait quand j'étais en France, je me suis demandé, mais pourquoi c'est si particulier? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher aux Juifs? Et on a le droit de toucher à des Arabes, toucher à des Noirs, toucher aux autres, ce n'est pas un problème. Pourquoi pas des Juifs? Et même un Blanc, ce n'est pas un problème. Un Français, un Gaulois, un Français de base, ce n'est pas un problème. Et pour moi, c'est aussi scandaleux pour moi qu'on frappe quelqu'un qui est Français parce qu'il est Blanc ou quelqu'un qui est Noir. Pourquoi faire une telle différence-là? Je pense qu'il faut retourner loin derrière, dans l'histoire. En 40, Hitler envahit la France. Au passage, il n'y avait pas beaucoup la France, parce qu'il trouvait que dans la France, il y avait un peu trop de juifs, trop de noirs, trop de... La France était un pays qui se mélangeait un peu trop aux races inférieures. Bref, il envahit la France. Et là, on organise tout un circuit, on organise tout un système pour permettre d'amener des juifs plus rapidement au four crématoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a organisé des expositions pour permettre aux gens de reconnaître les juifs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Qui c'est ça? Il y avait des expositions qui avaient été faites, qui a entendu parler de ça, des expositions où on invitait les citoyens à venir et pour reconnaître le juif. Et on caricaturait le juif. Le juif a le nez crochu, le juif a les mains machin, etc. etc. Mais ça, ce n'était pas les nazis qui faisaient ça. Là, c'était les Français. C'était la bonne classe, la bonne société qui faisait ça. Quand les premières rafles ont commencé à avoir lieu en France, les Français, la plupart des Français, le peuple machin, ne disaient pas grand-chose. Eux, ils étaient plus ou moins d'accord, parce que ces gens-là, ils sont riches, ils prennent notre argent, ils prennent notre boulot, ils ont la main sur les politiciens, ils dirigent tout dans le pays. C'est quand même bien qu'on s'en débarrasse un tout petit peu. C'est pas si vous comprenez. Ce que je dis là, c'est l'histoire, simplement. C'est l'histoire. Beaucoup des rafles qui ont été faites ont été menées par des préfets, des machins, français, dont certains ont même fait du zèle. Des fois, même, c'est même pas le nazi, les nazis qui ont demandé, on vous demandait, donne-nous des gens. Et eux, ils poussaient le zèle jusqu'à aller, en prendre plus, etc. etc. Donc, en tant que nation, je pense qu'il y a un certain traumatisme, il y a une certaine culpabilité latente qui est là, qui jusqu'à présent, en France, on ne s'en est pas encore débarrassé. On s'en veut un peu d'avoir fermé les yeux, d'avoir... Donc, on a fait beaucoup de films sur les résistants, on a élevé nos résistants au rang de héros nationaux, on a fait des films, on a fait des scènes de théâtre, on a fait des expositions sur la résistance, il y a des résistants, on en a fait des ministres, des Malraux, des gens comme ça, on a beaucoup parlé des résistants. Pourquoi? Pour un peu masquer le fait que, ben, quelque part, on a quand même... Oh, on a fermé les yeux. Tout ça pour dire que l'attitude actuelle de la France prouve que vis-à-vis de cette question juive, elle n'est pas libre. Pour la France, le juif n'est pas un citoyen comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on les traite mieux que... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? J'ai discuté avec un ami juif et il me disait que... Et je lui disais, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait. Comment on vous traite? Cette préférence qui est faite, cette machin, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il savait que j'étais son ami. Et lui, il me dit, écoute, Yann, je suis d'accord avec toi. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on nous met de côté. C'est comme si on était une classe à part, des Français à part, des Français pas comme les autres. Tout ça pour illustrer cette question dans l'Église. Je me pose la question, est-ce qu'en tant qu'Église, en tant qu'Église chrétienne du Roi des Rois, est-ce que nous sommes libres? Je pose cette question-là parce que, et j'aimerais qu'on se pose vraiment cette question. Ici au Québec, quand je suis venu, on m'a appris, parce qu'au début je ne comprenais pas les gros mots ici, hein, parce que pour un Français, quand il arrive, qu'on lui dise calice, on ne comprend pas trop le rapport, ou hostie, on ne comprend pas. Ici, c'est un gros mot, c'est perçu comme un gros mot, mais pour moi qui viens d'arriver, il y a un an, je sais que c'est un gros mot, mais moi, dans ma tête, ce n'est pas un mot tabou, parce que je n'ai pas grandi avec, c'est pas marqué comme un mot tabou, je sais que je ne le dis pas, c'est clair que c'est un gros mot, mais voilà. Au Québec, ici, j'ai l'impression que, ben, on a balancé balancé le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'à un moment, les curés, la curaille, les machins, tout le Bataclan a dit « Ok, c'est bon, ciao, on n'en veut plus, on a tout balancé. » Il y avait quand même des bonnes choses dedans. Et j'ai l'impression que, ici, notre Église, est-ce qu'on n'a pas aussi quelque part fait ça? Avant que je vienne, l'Église a passé par, pour les plus anciens, ils savent, a passé par des périodes très difficiles. Il y a eu beaucoup de turbulences. Un ancien pasteur qui était là avant, c'était un pasteur au fait? C'est un pasteur? Il était consultant pasteur? Donc c'était... Il y a eu, c'était assez difficile d'après ce qu'on m'a dit, ça n'a pas été facile pour beaucoup. Certains se sont peut-être sentis exploités ou sentis pressés ou sentis opprimés. La question est-ce que quelque part, maintenant que tout ça s'est fini et qu'on s'est ouvert, on s'est redéfini, est-ce qu'on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on est libre de parler de ce qu'on veut dans l'Église? Est-ce qu'on est libre d'entendre une voix discordante? Est-ce qu'on est libre d'entendre quelqu'un qui a une autre opinion? C'est vrai qu'on le dit. On accueille, mais est-ce que réellement on accueille? Est-ce qu'on est prêt à le faire? L'autre question, c'est est-ce qu'on est libre aussi des blessures du passé? Parce que dans le cas de la France, c'est une blessure qui est là, mais qui ne s'est jamais refermée parce qu'on ne l'a jamais regardée en face. Personne n'a jamais dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les livres d'histoire, dans les films, on parle beaucoup des collaborateurs, des résistants. Bon, ok, d'accord. Mais entendons-nous, il y avait quand même 99% de collabos. C'est vrai qu'en France, je n'ai pas le droit de le dire, mais il y a quand même beaucoup plus de collaborateurs que de résistants. Je ne juge pas. Bon, c'est logique. Ce n'est pas toute la population qui était la majeure partie à collaborer. Je ne juge pas en disant ben, c'était bien, c'était pas bien, c'est pas machin. Aujourd'hui, si un État militaire, des militaires viennent envahir le Canada, je ne suis pas sûr que beaucoup se révoltent, machin. Quand il y a l'arme sur la tête de ta femme ou de ton fils, on te dit marche droit. Hey, c'est difficile quand même de dire non, je vais résister, c'est pas évident. Mais simplement ceci, il faut regarder les choses en face, il faut regarder la réalité en face. Moi, en tant que Français, j'aurais aimé qu'on regarde la réalité en face, en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a été fait. C'est vrai qu'on a quand même caché, on a quand même fermé les yeux. Non, voilà, dire les choses clairement, voilà. Mais ça, c'est encore un peu tabou en France. Est-ce que ici, en tant qu'Église chrétienne du Roi des Rois sur Ontario, est-ce qu'on a des tabous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit encore de dire? Un jour, on discutait avec un frère et il y avait une chanson que j'ai proposée et dans la chanson, il y avait une partie où on parlait de repentance ou de péché. Lave-moi de mon péché. Et on m'a dit, ah, ça c'est un peu... Parler de péché, de laver de mon péché, de purifier, ça fait un peu Église catholique, ça fait un peu autoflagellation. Cette partie-là, il ne faut pas la prendre. Bon, moi, je n'ai aucune raison de prendre en disant peut-être que c'est un traumatisme certain. Mais si dans l'Église, on peut parler de repentance, on peut parler de péché, on peut parler de sainteté, j'ai dit, quelque part, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a des termes qu'il ne faut pas mettre à machin parce que certains en ont abusé? Est-ce que parce que certains ont abusé de leur leadership, qu'il ne faut plus parler de leadership dans l'Église? Est-ce que parce que certains ont abusé de l'enseignement pour, quelque part, mettre des trucs dans la tête des gens, qu'il ne faut plus parler de la vérité biblique? Est-ce que parce que certains ont utilisé le « écoutez, voilà ce que dit la parole de Dieu » pour donner leur point de vue à eux ou pour manipuler des gens? Est-ce que pourtant, aujourd'hui, on ne doit plus dire ça parce que c'est dangereux? C'est juste des questions comme ça que... J'aimerais qu'on se pose en tant qu'Église, mais aussi chacun personnellement. La question, c'est ça. Est-ce qu'on est libre? Il y a quelque temps, Jacques a donné un commentaire. Il y a 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus très bien. Un jour, je ne sais pas si pour ceux qui étaient là, il a eu un petit commentaire qui m'a frappé beaucoup. Il a dit, il y a quelques années, la susceptibilité qu'il y a aujourd'hui, il y a quelques années, on ne l'aurait même pas vu. On n'aurait pas réagi comme ça il y a quelques années. Et ça, c'est Jacques qui le dit. Parce qu'il y a eu des situations où bon, les gens réagissent de manière un peu épidermique. Mais il dit, il y a quelques années, on se serait mieux supporté. Aujourd'hui, on dirait qu'on se supporte moins. La question que je me dis, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et est-ce qu'on s'est assis pour réfléchir un peu pour voir, ok, où est-ce qu'on en est finalement? Ça, c'est la première question que j'aimerais qu'on se pose en tant qu'Église, en tant que... Ce n'est pas un jugement qui est porté sur personne. Simplement, on est là ensemble, on est une église. Et il y a des choses qu'on doit se dire. Et il y a des choses où on doit être clair là-dessus, sur où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, on veut faire ça pour Hochelaga. Oui, voilà ce qu'on veut faire pour Montréal. Voilà ce qu'on veut faire pour le Canada, pour le monde. Voilà notre mission. Oui, mais en tant qu'église, comment nous voulons vivre? Comment voulons-nous vivre l'esprit au milieu de nous? La deuxième question, ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous sommes vivants? On vient tous les dimanches, on a des messages qui sont, moi personnellement, ça a été formidable. Moi, je vous assure, quand j'arrive et quand j'écoute Jacques ou j'écoute Glenn ou j'écoute Sandy, j'ai pas encore entendu les autres partager. Je pense, j'ai pas encore entendu Michel et j'ai pas encore entendu Denise. Mais Je vous assure, c'est moi je suis ailleurs. Parce que la qualité de leur partage, la qualité de ce qu'ils disent, la qualité de leur étude, moi, ça me, c'est formidable. Par-delà ça, est-ce qu'en tant qu'Église, nous sommes vivants, vraiment vivants? La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une Église vivante? Alors, moi, je ne veux pas donner de définition d'une Église vivante. Je ne sais pas ce que c'est qu'une Église vivante. Mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre vous pourra donner une définition personnelle de ce qu'il entend par une Église vivante en fonction de ce qui a le plus d'importance pour lui dans sa relation avec Dieu. Je m'explique. Si pour quelqu'un, le plus important pour lui dans sa relation avec Dieu, c'est la prière, une église qui ne prie pas pour cette personne-là sera une église morte. Parce qu'il considère sa relation avec Dieu au travers du scope de la prière. Et donc, s'il n'y a pas de prière pour la personne, il dira, il n'y a pas de vie. Si quelqu'un, pour lui, c'est la sainteté, dans une église où, chez nous, ici, c'est la sainteté, c'est la sainteté, c'est la sainteté. Ben, cette personne-là n'est plus sainte si on la voit des fois rentrer dans un bar ou lire un livre bizarre. Eh bien, la personne considère que c'est dans cette église-là, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La question, ce n'est pas tant de savoir, quand on tombe sur une définition de qu'est-ce que c'est que la vie, mais est-ce que pour nous, en tant qu'église, et même chacun d'entre nous, est-ce qu'on considère que nous avons une église vivante? J'aimerais juste, si vous permettez, faire un parallèle. Un parallèle, faire une illustration. Est-ce qu'il y a des biologistes parmi nous? Des biologistes? Ok. Bah. Donc, ça va pas dépayser. En biologie, pour définir ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant, on le définit par rapport à certaines caractéristiques, certaines fonctions, pour faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant. Le vivant a certaines caractéristiques que le non-vivant n'a pas. Bon, certaines caractéristiques. Je vous en donne juste certaines comme ça. La naissance, quelque chose qui est vivant, naît du vivant, ou naît et meurt. Ça, c'est une autre caractéristique, la vie et la mort. Quelque chose qui n'est pas vivant n'a pas de naissance. Il n'y a pas de naissance pour une pierre. On dirait qu'une roche s'est formée, il y a machin, mais il n'y a pas de notion de naissance pour un caillou, ou de naissance pour un diamant, ou de naissance pour de l'air ou pour le vent. Quelque chose de vivant a une organisation cellulaire. S'il n'y a pas d'organisation cellulaire, il n'y a pas de vivant. Bon, là encore, il y a un petit débat. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans le débat là-dessus pour dire. Mais bon, disons que si un organe cellulaire est la vie ou pas, et sinon il n'y a pas de vie. La nutrition, quelque chose qui est vivant, se nourrit d'une manière ou d'une autre, mais elle se nourrit. Une pierre ne se nourrit pas, un caillou ne se nourrit pas, une brique ne se nourrit pas, ce ventilateur ne se nourrit pas. Bon, bien qu'il transforme le courant, mais bon, il ne se nourrit pas. Quelque chose qui est vivant utilise l'énergie. Quelque chose qui est vivant croît et se régénère. Alors là c'est intéressant, parce que la croissance et la régénération. La régénération, c'est si une fonction est cassée, est-ce que elle peut. Il y a un mécanisme, soit pour restaurer ou pour pallier. Si on casse et puis ça reste là, c'est cassé, je prends un caillou, je prends n'importe quoi, une craie, quand je casse, ben, elle ne va pas se recoller, hein. Ça restera cassé. C'est juste pour faire un parallèle avec l'église. Si dans l'église, ce n'est pas parce que c'est une église qu'on ne peut pas avoir de blessures, ou qu'on ne peut pas avoir de maux, ou qu'on ne peut pas avoir de c'est normal, c'est humain, on est des humains. La question est de savoir, est-ce que ça se ressoude? Est-ce que ça guérit? Si je vois quelqu'un qui a une plaie ouverte et que la plaie ne guérit pas, il y a un problème. Soit il est hémophile ou il y a une maladie qui est au-delà de la plaie. Si je coupe, je me blesse en bande, au bout de 10 jours, 15 jours, une semaine, 2 semaines, ça doit guérir, ça doit commencer à guérir. Si ça ne guérit pas, c'est que le problème n'est pas la blessure. Le problème est beaucoup plus profond. Alors, c'est vrai que ici dans l'Église, il y a eu des blessures vives qui font que bah, l'Église est ce qu'elle est. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes aussi définis par ce que nous avons vécu ensemble. Bien que moi, je n'ai pas été là, beaucoup n'étaient pas là à l'époque où ça s'est passé. Nous sommes joints, nous sommes maintenant tous ensemble, nous sommes maintenant un. Et quelque part, nous partageons aussi ces blessures-là de l'Église complètement. Mais si ça ne se ressoude pas, si il n'y a pas une voie, ce n'est pas en voie de guérison, si systématiquement c'est toujours là, ça pose problème, et là le problème n'est plus la blessure, mais on doit se demander où est le problème. L'une des autres fonctions, c'est la locomotion. Quelque chose qui vit, bouge, meut. Il y a diverses façons de bouger. On peut avec ses pieds, ou certaines arbres, par exemple, certaines plantes trouvent le moyen de bouger au travers de leur spore ou de leur semence, etc. Mais il y a toujours moyen de bouger. la reproduction, la croissance, ça c'est une des caractéristiques du vivant. L'adaptation, une des caractéristiques du vivant. Souvent, il y a certaines assemblées qui sont tellement rigides, on ne peut pas faire, le moindre changement. Un jour, je suis allé dans une assemblée où j'avais un bouc. Vous savez, un bouc, ça a posé problème parce que tout le monde se rasait dans l'assemblée. Et le bouc, ça m'a vraiment. Le pasteur m'a convoqué pour me dire. On m'a convoqué pour me dire qu'il fallait que je me rase parce que c'est pas bien. C'est pas, il faut. Ouais. Donc, tout ça, ça se résume à. Pour résumer cette question-là, est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous. On voit les manifestations de la vie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent devant l'assemblée pour dire j'ai été guéri? Ça n'allait pas, mais. Je suis guéri. Il y a beaucoup de gens qui ont été pressés ici dans l'église. Beaucoup de gens sont spirituellement fatigués. Des fois même physiquement fatigués. Excusez-moi. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les forces se renouvellent? Est-ce que vous comprenez? J'aimerais juste qu'on s'arrête et qu'on soit sûr que ce n'est pas un show simplement que dimanche après dimanche après dimanche on fait. On s'assoit, on parle, on se congratule, on se gratte le dos, on est content et on repart. C'est pas ça le but. La troisième question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que nous le servons? Nous sommes une église, nous avons une vie d'église, nous venons à l'église, nous avons un culte. Mais est-ce que nous le servons? Est-ce que nous servons Dieu? Ici, c'est tellement difficile ici de trouver des gens qui servent. Par exemple, à la musique, tout à l'heure, Daniel nous a conduit dans la louange. C'est pas facile de trouver des gens pour conduire la louange. C'est assez difficile. Pour avoir un ministère, pas un ministère, mais un service juste pour nettoyer, c'est pas facile de trouver des gens. C'est pas facile de trouver des gens pour s'occuper de la solo, pour s'occuper. Il y a des besoins pour s'occuper des enfants, etc., etc. Mais les gens manquent. On manque de bras. On manque de personnes qui s'engagent. Comme pour les finances, on manque de personnes qui donnent les finances. Et jusqu'à aujourd'hui, ça pose problème à l'Église. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que le fait qu'on n'ait pas des gens pour servir, est-ce que le fait qu'on ait une baisse considérable dans nos revenus, dans la dîme et dans les offrandes, est-ce que c'est une cause ou simplement un symptôme? Est-ce que c'est une cause de parce que c'est à cause de ça que ça ne marche pas? Ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas qu'il y a cet effet-là? J'aimerais juste qu'on regarde les choses simplement autrement. Est-ce que si on change quelque chose, à part ça, est-ce que ça automatiquement, est-ce que ça, par influence, est-ce que ça changera notre manière de voir? Est-ce qu'en tant qu'Église, on peut faire quelque chose pour donner aux gens cette envie-là de rentrer dans la louange, de rentrer dans ce ministère, de dire, moi, samedi, je veux venir, j'aimerais venir nettoyer spontanément, j'aimerais venir, écoutez, à 3 ou 4, venez, mardi soir ensemble, on va prier 5 minutes, 10 minutes ensemble, juste pour l'Église, etc., etc., spontanément. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour susciter ces envies-là? Vous voyez? C'est toutes ces questions-là que j'aimerais simplement qu'on se pose en tant qu'Église. Se poser, s'asseoir. Juste pour terminer, juste une illustration. Lynn a travaillé en France. Pendant combien d'années? Michel, tu habitais avec lui? Pendant 4 ans. Est-ce que tu as eu à prendre les transports? Oui. En France? Le métro, le train? Vous habitiez en banlieue ou en banlieue? Donc tu prenais le RER. Oui. Dis-moi une question. Est-ce que pendant les heures de pointe, ça t'est arrivé de courir dans les couloirs pour attraper ton train? Oui. De courir dans les couloirs? De courir. Il y a un train, ça sonne, ou il y a un métro qui sonne, et c'est arrivé de courir? Pardon. Jamais? Pour attraper le boulot, pour attraper le dernier train? Oui? Ah. Oui, c'est plus compliqué. Mais sinon, en France, voilà, en tout cas à Paris ou en région parisienne, c'est un sport national. On court. Les gens sont toujours pressés. Toujours. Et le problème, une fois ma soeur qui vient le soir, qui rentre, parce que le problème, il faut comprendre qu'il y a un train de banlieue. Hein. Tu rates le train, le prochain, des fois, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure après. Donc, si tu arrives dans la gare, tu entends le train qui sonne au loin là-bas, ben, tu n'as pas le choix. Hein. Hop, on soulève la robe et on court. Mais il arrive que finalement, une fois ma soeur, un soir, on se retrouve chez moi à la maison, on était tous complètement fatigués parce qu'à la fin de la semaine, on est tous fatigués. Et elle me dit, mais tu sais que je me suis retrouvé, moi je n'étais même pas pressé, c'est la fin de la semaine, elle n'est même pas pressée. Je me suis retrouvé dans la foule, tout le monde a commencé à courir, et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, c'était même pas mon train, mais Tout le monde courait. J'ai couru. Jusqu'à un moment, je me suis arrêté pour me dire, oh, oh, oh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu cours? Il me dit, mais c'est vrai ça. Tu vois, voilà, c'est, on est pris dans un flux et on court. On court, on court, on court, parce qu'il faut avancer. Il faut. Et moi, au bout de 10 ans, je me suis dit, non, je ne peux plus courir. Je ne peux plus courir. J'ai dit, bon, écoutez, je m'en vais. Voilà. Et puis, c'est aussi pour ça que j'ai quitté. Je suis arrivé au Québec, depuis, je ne cours plus. Mais bon, bref, ça, c'est juste un passage. Simplement pour dire, est-ce que nous ne courons pas, parfois, dans notre activité, dans notre vie d'église, est-ce que nous ne courons pas simplement? Est-ce que nous ne prenons aussi pas le risque d'avoir aussi couru pour rien, pour un train qui n'est pas pour nous? Vous comprenez? Je suis pleinement dans cette église. J'ai un sentiment total d'appartenance à cette assemblée. Et c'est parce que j'ai un sentiment total d'appartenance que je me permets de nous inviter à réfléchir à ces points-là. Mais autant ces questions se posent du point de vue de l'église, en tant qu'église, autant ces questions, on peut se les poser nous-mêmes, en tant qu'individu, est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je le sers? Il y a aussi d'autres questions après qui peuvent, mais pour moi, ce qui m'a interpellé, c'est ces trois points particuliers-là. Amen. J'en dirai pas plus, on va juste baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. C'est une belle journée, bien venteuse, bien nuageuse, comme je les aime. Mais il fait frais, il ne fait pas chaud, nous sommes à l'aise. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Et merci, Seigneur, pour ta parole, simplement, pour le verset que nous avons lu. Seigneur, tu nous rassembles en tant qu'Église pour nous faire du bien, pour nous faire du bien, parce que tu nous aimes, et pour que nous fassions du bien aussi autour des autres, parce que nous les aimons aussi. Seigneur, nous voulons simplement te remettre cette réflexion-là, ces questions que nous voulons nous poser en tant qu'Église. Nous voulons nous remettre chacun, Seigneur, en tant qu'Église et en tant qu'individu. C'est toi qui connais toutes choses. Et nous te prions, Seigneur, de faire que toutes choses concourent à notre bien, comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Je prie pour chacun ici. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas donné de requêtes, mais dans le cœur, tu sais de quoi ils ont besoin. Ceux qui ont besoin de guérison, tu les connais. Ceux qui ont besoin de revenir à toi, Seigneur, tu les connais. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être délivrés de la drogue, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être délivrés du H ou délivrés de toute addiction, tu connais. Ceux qui ont besoin simplement d'être réconfortés, ceux qui ont besoin de compagnie, Seigneur, tu connais. Aide-nous simplement à vivre comme toi, tu veux que nous vivions. Seigneur, nous nous recommandons chacun à ta main, Seigneur, accompagne-nous, que tes anges nous gardent, que ton esprit, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous remplisse, alors que nous repartons chez nous, que nous soyons remplis simplement de ta paix. Merci, Seigneur éternel, en Jésus. Amen.